Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Guyenne, un village d'Abitibi pas comme les autres. Guyenne m'a intéressé parce que, à ce moment-là, contrairement aux autres colonies, il y avait du bois dans la paroisse. En même temps que le gars développait son établissement agricole, il pouvait travailler en forêt. Et à chaque soir, il était chez lui, il revenait dans sa maison, il revenait dans sa famille. Alors, il y avait une vie collective très intéressante. Cette vie collective dont parle Marcel Guy à l'émission « Faire sa vie en Abitibi » diffusée en 1968, cette vie-là, elle repose sur un modèle de développement économique et social qui a fait de Guyenne un exemple assez unique dans l'histoire de la colonisation de l'Abitibi. À Guyenne, le modèle coopératif a été en fait poussé très, très loin. On y a construit une espèce de micro-société de type collectiviste avec des règles très strictes et où la participation citoyenne n'était rien de moins qu'une exigence. Ces jeunes colons-là sont arrivés et en plus de bûcher pour gagner leur vie, il fallait qu'ils développent une structure, un fonctionnement qui n'existait pas nulle part. Il fallait l'imaginer. Les réunions d'études, de fonctionnement et les décisions pour l'orientation économique et sociale se prenaient collectivement. Là. Il n'y avait pas juste un conseil d'administration qui décidait ça. Là. C'était des réunions générales et ça brassait dans ça. Là. Il y avait des, toutes sortes d'idées. Le premier été, 22 maisons ont été levées. Une grange, ça se montait toutes dans la même journée. Ils se mettaient à 30 sur la terre, ils faisaient des corvées. Puis le soir, ils continuaient d'avoir des réunions d'études pour mieux maîtriser le concept de la coopération. Si bien que rapidement, il y a eu des règles. 1. La forêt était collective, elle appartenait à tout le monde et donc à personne. 2. 50 % des revenus allaient à la coop pour la construction des maisons, l'équipement puis des infrastructures. 3. Les périodes d'études et de réunions étaient obligatoires, sous peine d'amende. 4. Ils avaient l'obligation de travailler pour la coopération. 5. Il était défendu de se partir un commerce personnel. 6. Si on voulait travailler à l'extérieur, ça prenait l'approbation de la coopérative. L'artiste slameuse Gabrielle Côté et Yolande Desharnais, ex-citoyenne de Guyenne, à l'émission La route des vins en 2017. Pour nous raconter l'histoire de Guyenne, je reçois Francis Desharnais, qui est bédéiste, qui a publié en 2018 une BD consacrée à l'histoire de Guyenne, justement. Francis Desharnais, bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie, Francis Desharnais, de raconter l'histoire de Guyenne dans votre BD « La petite Russie » ? Bien, il faut savoir que mes grands-parents, Antoinette Boudria et Marcel Desharnais, ont participé à la fondation de ce village-là et ont vécu près de 20 ans. Donc, en les côtoyant, j'ai souvent entendu parler de Guyenne et ça a fini par me donner le goût de raconter cette histoire-là. Moi, je m'attendais à raconter une histoire de bûcherons, de draveurs, tout ça, mais en plongeant un peu plus dans l'histoire du village, je me suis rendu compte de la singularité de cette paroisse-là. Oui, parce que c'est à la fois, puis on va y revenir, l'histoire de Guyenne, l'histoire de la colonisation de l'Abitibi, puis ça, c'est un chapitre en soi de l'histoire du Québec, mais c'est vrai, puis on va le constater, on l'a déjà entendu dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un village vraiment très, très particulier qui a un modèle particulier. D'ailleurs, votre titre, le titre de votre bande dessinée, La petite Russie, c'est en lien direct avec ça, avec ce modèle-là qui sort de l'ordinaire. Oui, tout à fait, parce que la volonté des colons était d'être complètement autosuffisants, donc de ne pas avoir besoin de l'aide de personnes autour. Donc, ça finit par occasionner un certain repli sur soi. Des villageois, ils ont fini par ne plus parler, ne plus avoir de communication avec les villages alentours. Et ces autres villageois ont fini par trouver ça étrange. Et en raison du modèle unique de Guyenne, ils ont fini par traiter les habitants de Guyenne de communistes et à dire que ce village-là, dans le fond, c'était une petite Russie. Donc, c'est pour ça le titre de la bande dessinée. Ouais. Puis l'histoire de Guyenne, pour vous, c'est aussi... ça vous a un peu ramené, à vos origines, vous nous le disiez, vos grands-parents y ont vécu, mais d'une certaine manière, je pense que vous vous êtes reconnu dans ce rêve, ce défi que s'étaient posé les habitants de Guyenne et au fond, la difficulté où qu'on soit finalement de réaliser ces rêves. Il y avait ça, je pense, aussi dans cette pulsion qui vous a fait écrire cette bande dessinée, non? Ben, effectivement, ça a été assez rapidement, quand j'ai commencé à me documenter, je me suis rendu compte qu'il y avait ça qui nous unissait, si on veut, moi et mes grands-parents. Mon grand-père, son grand rêve, c'était d'être cultivateur, travailler la terre et puis avoir sa ferme et tout ça. Mais c'était pas quelque chose de facile à développer, à avoir. Donc, il a dû travailler comme bûcheron longtemps afin de payer, comme on l'a dit, comme on l'a entendu dans les extraits, il fallait quand même remettre 50% de ses gages à la coopérative. Donc, ça demandait de l'argent, ça demandait de travailler, et le travail du bois permettait une rentrée d'argent plus facile. Pour ce qui est de moi, ce que j'aimerais le plus que tout, ça serait de vivre de mes bandes dessinées uniquement, mais comme la plupart des métiers artistiques, c'est pas quelque chose dont il est facile de vivre. Alors, je suis obligé de prendre des contrats en graphisme, en illustration, dans d'autres domaines connexes, pour arriver à payer mes factures. Mais je dirais que la comparaison s'arrête pas mal là, oui. Parce que j'ai jamais bûché un arbre de ma vie, puis je pense que je t'offrais pas 5 minutes dans une forêt, là. Mais il y a quand même cette idée, cette filiation. C'est assez beau, en fait, de vous entendre en parler, mais de ce grand-père qui rêve d'être agriculteur, mais qui doit bûcher du bois pour être agriculteur, puis vous qui, à votre époque, dans votre domaine, ne pouvez pas vous consacrer entièrement et vivre entièrement de votre activité de BDiste. Revenons à Guyenne, au contexte dans lequel est créée cette ville en 1947. Ça s'inscrit, on y revient, dans ce contexte plus large dont on a parlé, de la colonisation de l'Abitibi, qui nous ramène, lui, aux années 1930. En juin 1933, son éminence, le cardinal Villeneuve, fondait la Société de colonisation du diocèse de Québec, avec siège social à l'École supérieure d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Dès le 6 septembre suivant, un groupe de 12 colons, recrutés à Sainte-Anne et Saint-Joseph de Kamouraska, fut dirigé vers le canton de Roquemaure. Rappelez-vous, dans les années 35, quand les premiers colons ont monté dans les paroisses rurales comme la mienne qui est à Rochebeaucourt. Dans ce temps-là, on l'avait vu, la richesse dans ce temps-là. Tout le monde rêvait au royaume. Ils prenaient toutes les femmes, les hommes, les enfants, puis ils montaient ça vers le chemin de fer qui est à Baroud, qui montait à Amos, on appelait ça le Sienard dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est rien que Sienne. On a ôté l'air. Pas pourquoi. Hein, les gars? On y mettait des chars à bœufs tassés comme une gang de cochons, puis le char voisin, il mettait les guenilles qui appelaient, les râteaux, les pioches, toutes les cochonneries, puis ça, un royaume vous attend, puis on démêlera ça à Baroud, on démêlera ça à Amos, puis Monseigneur va regarder ça, puis ça a du bon sens, le râteau se tatoué, puis ça n'a pas de bon sens, ça va au celui d'Amos, puis ça a un certain bon sens, on va l'envoyer à l'Andrienne. Puis on se taponne à ça. Puis à un moment donné, le colon, il disait, maudit, mes parents m'ont donné du stock, que ça veut dire, il n'y a plus rien. Le cultivateur et politicien Horace Lalancette, dans le film de Pierre Perrault, Le retour à la terre, réalisé en 1976. La création de Guyenne en 1947, ça s'inscrit dans ce contexte que décrit Horace Lalancette, le contexte plus large de la colonisation de l'Abitibi. En fait, Guyenne, c'est l'un des derniers villages de la colonisation qui a été créé. Rappelez-nous, Francis Dernay, ce contexte dans lequel se fait la colonisation de l'Abitibi. À quoi ça ressemble, cette aventure? Une aventure, faut se le dire, un peu folle quand même à l'époque. Ben oui, tout à fait. Et ça commence aux alentours de 1913 avec l'ouverture du chemin de fer qui va relier Moncton à Winnipeg et qui passe par l'Abitibi et qui ouvre ainsi des nouveaux territoires miniers et forestiers. Les colons qui vont tenter l'aventure assez rapidement vont connaître une période de prospérité, mais qui ne durera pas. Et la crise de 1929 qui va suivre va accentuer cette problématique-là. Les gouvernements vont essayer de faire la promotion de l'Abitibi, du retour à la terre, comme solution au chômage. Le fédéral va avoir le plan Gordon, où il va essayer de faire venir les chômeurs de la ville en Abitibi, ce qui ne sera pas un très grand succès. Le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau, provincial, lui, va avoir le plan Vautrin, où il augmente les budgets qui sont dédiés à la colonisation et qui va partager la gestion des colonies avec l'Église. Éventuellement, l'économie va reprendre et les chômeurs, les anciens chômeurs, vont retourner à la ville. il va quand même rester un noyau là, de colons qui sont restés en Abitibi, mais qui connaissent une grande pauvreté. Et pour se sortir de cette pauvreté-là, ils vont se réunir et créer ce qu'on va appeler des chantiers coopératifs. Et ça, ça leur permettait d'avoir de meilleures conditions, de meilleurs gages. Et ça faisait l'affaire des compagnies forestières parce qu'elles pouvaient, au lieu d'engager les hommes un par un, elles pouvaient engager un groupe de travailleurs habitués de travailler ensemble. Donc, tout le monde y trouvait son compte. Et le concept de chantier coopératif va s'étendre. Il y a le village de Roquemaure, comme on a entendu dans l'extrait, qui va pousser le concept assez loin. Plusieurs des entreprises du village vont être des coopératives. Et c'est à Roquemaure que Joseph Laliberté, qui est un des acteurs clés de la Fondation de Guyenne, apparaît dans le portrait. Oui. Et cette coopérative de Guyenne, donc, c'est en 1947 qu'elle est fondée. Comment ça débute, l'histoire de la colonie de Guyenne? Je vous ai parlé des chantiers coopératifs. Ça va donner des idées à des intellectuels comme Esdras Mainville, qui est un économiste qui est originaire de Gaspésie, qui a mis sur pied toutes sortes de modèles de développement qui passent par une organisation collective du travail au lieu d'un certain chacun pour soi là, qui prévalait à l'époque. Et puis, influencé par Mainville, mais aussi par Joseph Laliberté et par l'abbé Émile Couture, il y a le gouvernement de Duplessis qui va donner son accord à la fondation d'une colonie gérée uniquement, entièrement de façon coopérative. Donc, là, à Guyenne, il n'y aura pas de maire, pas de conseil municipal. Tout le monde va devoir prendre les décisions qui concernent la colonie et plus tard le village. Ouais. Mais on va pousser plus loin, justement, dans ce modèle, à quoi ça pouvait concrètement ressembler, ce modèle coopératif de Guyenne assez unique. On écoute à nouveau, à ce propos, Marcel Guy, qu'on entendait au tout début de l'émission, nous décrire la particularité de ce modèle-là, justement, extrait de l'émission « Faire sa vie en Abitibi » présenté à notre antenne en 1968. La forêt qu'il y avait dans le territoire de la paroisse est exploitée collectivement par le syndicat de travail, c'est une formule coopérative, et les exploitations individuelles, les fermes, c'était chaque individu qui développait sa ferme. Seulement, il recevait plus d'aide que dans d'autres colonies. Parce que la forêt, il payait pas, le syndicat ne payait pas de droit de coupe au ministère, mais il se réservait lui-même une coupe. Alors, il s'est constitué un fonds de réserve, s'il appelait, pour le développement de la colonie. Et ce fonds de réserve-là servait pour prêter de l'argent aux nouveaux venus, soit pour la construction de sa maison, construction d'une grange étable. Et le syndicat aussi attribuait des primes de défrichement, des primes d'organisation de crédit agricole, soit l'achat de machinerie, l'achat d'animaux. Alors ça donnait plus de possibilités que dans d'autres endroits. Alors, très concrètement, Francis Desharnais, comment ça fonctionne, ce modèle coopératif assez unique de Guyenne? Bien, tout commençait avec la signature du contrat de membre. On l'a entendu avec l'extrait de Yolande Desharnais au début, où la slameuse Gabrielle Côté faisait la liste un peu des obligations des nouveaux membres de la coopérative. Chaque nouvel habitant devait signer ce contrat-là et ça établissait les règles de la vie coopérative. Le point vraiment important de ce contrat-là, c'était l'obligation d'assister aux soirées d'études et aux assemblées générales, parce que c'est là que les décisions se prenaient et c'est là que l'implication était absolument nécessaire de la part de tout le monde. Et ces soirées d'études-là ont eu pour conséquence d'éduquer des gens qui n'étaient pas du tout formés pour gérer une ville, pour gérer un village. Faut rappeler que le niveau d'éducation de cette époque-là n'était pas très élevé. Donc, de s'initier à toutes ces notions-là, ça ne devait pas être de la tarte, là. Il y avait aussi l'interdiction de démarrer une entreprise privée et aussi, il était interdit de boire de l'alcool et de sacrer. Donc, des règles très strictes, une communauté tissée serrée, mais avec tout ce que ça veut dire. Et puis, évidemment, ce partage, là, toujours, ce modèle d'où la petite Russie, on y revient, mais il n'y en avait pas beaucoup, des modèles comme ça. C'est intéressant, d'ailleurs, j'entendais nous dire il y a un instant que Duplessis donne sa bénédiction à ça, mais c'est peut-être pas du communisme, mais c'est vraiment du collectivisme poussé très loin, partage de ses gages, prise de décision en commun. C'est tout ça, le modèle de Guyenne. Oui, c'est tout à fait. Et c'est vrai que c'est étonnant de la part de Duplessis et j'ai envie de dire aussi de la part de l'Église de donner son appui à un système justement collectiviste comme ça. Bon, c'est pour ça aussi peut-être que ça a été un unique dans l'histoire du Québec. Les femmes, quelle place elles occupent? On est dans ce Québec des années 40, 50, 60, avec tout ce que ça veut dire. Il y a déjà cette particularité d'un modèle coopératif poussé très loin. Dans ce contexte-là, quelle place occupent les femmes dans ce modèle-là, Française Desharnais? Bien, malheureusement, les femmes demeuraient cantonnées là, dans un rôle traditionnel, c'est-à-dire s'occuper des enfants, s'occuper de l'intérieur de la maison. Et en plus... au début de l'émission, je disais tout le monde participait aux décisions. Ben c'était pas tout à fait vrai parce que les femmes étaient exclues de ces processus-là. Elles n'avaient pas le droit d'assister aux soirées d'études et aux assemblées générales. Et ça devait être très frustrant, étant donné que c'est souvent les femmes qui géraient les budgets de la famille et que les décisions prises dans les assemblées générales avaient un impact sur l'argent disponible là, dans le foyer. Et d'ailleurs, votre grande-tante qu'on a entendue, Yolande, au début de l'émission, Yolande Desharnais, va être une des femmes qui va essayer de faire changer les choses. Ça ruait dans les brancards quand même, là, dans certaines chaumières, on va dire ça comme ça. Oui, exactement. Certaines femmes n'acceptaient pas de se faire écarter de la sorte comme ça, surtout dans un nouveau modèle là, ou prétendu nouveau modèle de société. Ce qui va aider les femmes, c'est de créer un cercle des fermières à Guyenne. Ça va leur permettre de se réunir et de mettre en commun le peu d'informations qu'elles réussissaient à avoir de leur mari. Parce que les hommes, en plus de leur refuser l'accès aux assemblées, ils ne disaient pas un traître mot de ce qui s'y passait. Ce qui fait que les femmes étaient dans le flou, mais le plus complet. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé... Debout, les colons! Déjeuner est servi! Si vous voulez manger, c'est le temps! Bon bain matinal, Palissette. Là, c'est pas l'hôtel Centrale. Faut prendre ça quand ça passe. Oh. Et vous en, messieurs, c'est par ici. Bonjour, Mme Tulip. Bonjour, M. Hamelin. Bonjour. M. Lamotte, respectez-vous. M. Plante. Bonjour. Bien. M. Lacourse. Oui. Ça, au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. On ne peut pas parler de l'histoire de Guyenne sans parler du film de Bernard Develin, Les Brûlés, tourné en 1959, dont on vient d'entendre un extrait, film dans lequel on retrouve Félix Leclerc. Et il y a une petite histoire familiale entre ce film-là et vos grands-parents, Francis Desharnais, entre autres. Oui, parce que le film Les Brûlés a été tourné pas très loin de Guyenne. Il a été tourné aux abords du lac Chicobie, qui est situé à quelques minutes à peine là, du village. Et mon grand-père travaillait comme magasinier pour la production. Donc, s'il avait besoin d'aller chercher des éléments de décor, de la charpenterie ou de déplacer des comédiens, c'est mon grand-père qui le faisait avec son camion. Et pour la petite anecdote, à un moment donné, mon grand-père a réussi à se lier d'amitié avec Félix Leclerc et il a même réussi à l'inviter à manger à la maison. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu parler dans les réunions de famille. C'est un des grands moments de la mythologie familiale. Ben, on le comprend bien. Puis de fait, pour toute la communauté de Guyenne, ce tournage-là, ça a dû être un temps fort de la vie à Guyenne. Mis à part ce tournage qui amène tout le village un peu ailleurs, à quoi ça ressemble concrètement la vie quotidienne à Guyenne, Francis Desharnais? Ça devait quand même ressembler à celui de la plupart des autres villages du Québec de cette époque, mais avec la différence fondamentale que le niveau d'implication exigé s'ajoutait au travail de la ferme, au travail du bois, qui était déjà passablement exigeant en soi. Si je prends mon grand-père en exemple, ben, en plus de s'occuper de sa ferme, d'aller bûcher du matin au soir, il donnait du temps à la Caisse populaire, à l'Union catholique des cultivateurs, à la Ligue du Sacré-Cœur, et même au Cercle Accordaire, qui était une ligue de tempérance. Puis là, je ne parle même pas des soirées d'études et des assemblées générales, qui étaient très fréquentes et qui devaient demander vraiment beaucoup de temps. Donc ça, c'était une particularité. Ma grand-mère, elle, s'occupait aussi beaucoup de la vie sociale du village. Elle organisait des petits spectacles dans le sous-sol de l'église. Elle s'impliquait dans le cercle des fermières. Elle organisait des soirées canadiennes où on pouvait danser puis chanter jusqu'aux petites heures du matin. Ce qui fait que la vie sociale, pour mes grands-parents, c'était quelque chose de très important parce que c'est ça qui allait lier les habitants du village ensemble, qui allait faire que, ben, on fait pas juste travailler à Guyenne, on a une vraie vie de village. Un mot en terminant sur la pérennité, entre guillemets, ou pas, de ce modèle très particulier qu'on a mis en expérience, dont on a rêvé à Guyenne. Ça va assez rapidement, sur le plan économique, avoir du plomb dans l'aile. Décrivez-nous ça un peu, Francis Desharnais. Bien, comme on l'a dit précédemment, l'objectif ultime de Guyenne, c'était d'être autosuffisant, notamment au niveau alimentaire. Sauf que ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de s'occuper d'une terre, d'avoir une ferme. Et ça a amené un certain découragement de la part de plusieurs villageois qui préféraient les gains plus rapides que permettait le travail en forêt. Ce qui fait que ça a eu un peu pour conséquence de créer deux clans à Guyenne. Les cultivateurs d'un côté, les bûcherons de l'autre. Et le clan des bûcherons va aller un peu en augmentant au fur et à mesure que le temps va passer. En plus, éventuellement, on l'a dit, il y avait des terres à bûcher à Guyenne même, mais éventuellement, il n'y en aura plus de terres à bûcher à Guyenne. Donc, les bûcherons ont dû aller à l'extérieur de la paroisse et s'éloigner. Et en plus de tout ça, de ce clivage-là, le gouvernement, lui, se désintéressait de la colonisation, ce qui fait qu'ils n'étaient plus là pour aider Guyenne à mieux s'organiser. Ce qui fait que l'agriculture va connaître un déclin qui va s'accentuer à partir des années 60. Mais dans les années 80, il y a des jeunes entrepreneurs qui vont s'établir là et qui vont créer des serres coopératives qui vont produire notamment des tomates à cette époque-là, qui va connaître un certain succès. Et ces serres-là ont changé de vocation depuis, mais sont toujours là. Et c'est le principal employeur là, du village, parce que le village existe toujours et c'est toujours une coopérative. Francis Desharnais, réalisateur, auteur de bande dessinée. Je rappelle que vous avez publié en 2018 cette très belle BD, La Petite Russie, qui parle de l'histoire de Guyenne. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci, M. Beauchamp. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.